Section 78 de l'Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 3e. Formation des grands États. 1270 à 1492, publié par Ernest Lavis et Alfred Rimbaud. Les institutions. État social. Immigré dans un pays du droit romain, où les terres se trouvaient déjà soumises aux divers modes de la possession et de l'usufruit, les Serbes du XIIIe et du XIVe siècle étaient pleinement entrés dans le système des conditions qui, tout au moins dans les anciennes provinces de l'Empire, étaient sortis du droit romain. En Serbie, on trouvait une classe noble, les Vlasteli, et une classe roturière, les Sebri. Il y avait une haute et basse noblesse, de grands nobles et de petits nobles. Là se recrutaient officiers de l'armée et fonctionnaires de l'État. La noblesse n'allait jamais sans la possession d'un alleu d'une terre patrimoniale, Baština. À elle appartenait la souveraineté sur les colons et les serfs attachés à la glèbe. C'est en tant que seigneur et propriétaire d'alleux que les nobles conduisent eux-mêmes les troupes levées sur leurs terres. Ils jouissent du droit de basse justice, qu'ils prennent part aux affaires de l'État et que, dans une certaine mesure, ils partagent avec le roi le pouvoir législatif et administratif. Les privilèges de l'Église étaient pareils à ceux de la noblesse. Toutefois, le clergé était exempt du service militaire et de même, le plus souvent, l'homme qui appartenait à ses terres. L'exercice de la justice, notamment en certaines matières de droit familial, divorce, testament, héritage, appartenait au clergé. Il jugeait, à ce qui semble, selon le droit écrit byzantin. Le clergé régulier avait plus de privilèges que le clergé séculier. Les couvents possédaient de véritables seigneuries, de grandes étendues, dorées de nombreux privilèges. La bourgeoisie n'était pas encore très nombreuse en Serbie, les villes n'y étant encore pas très grandes. Celles du littoral adriatique avaient gardé les anciens privilèges des municipes romains, transmis de siècle en siècle. Elles devaient cette situation à leur richesse, à leurs relations commerciales très étendues dans l'intérieur, à leur rôle d'intermédiaire entre l'Europe et la péninsule. Raguse détenait le commerce de la Serbie, et l'importance de ce commerce croissait en raison directe du développement politique du royaume. La Serbie du Moyen Âge, avec tous ses ports sur l'Adriatique, était au point de vue de ses intérêts matériels, aussi exclusivement soumise à l'influence de Venise et de l'Italie qu'elle l'était au point de vue de la civilisation à l'influence de Byzance. Les villes de l'intérieur possédait également soit des privilèges pour elles-mêmes, soit des classes privilégiées. Par exemple, les citoyens des villes libres de l'Adriatique, tels que Raguse, en vertu de traités spéciaux passés avec les rois, jouissaient en bloc de certaines exemptions. Et dans ces mêmes villes, on trouvait diverses classes de citoyens qui chacune avait sa condition spéciale. En somme, les bourgeois étaient des roturiers libres. Quant aux artisans, dans les villes et dans les villages, ils jouissaient d'exemptions ou d'atténuations de corvées, quand bien même ils étaient colons et corvéables. Parmi les paysans serbes, au XIIIe et XIVe siècle, on distinguait des cultivateurs et des pasteurs. Ces derniers, habitant les crêtes des montagnes, où ils étaient réfugiés lors de la conquête slave, s'appelaient Vlasi, romains, parce que, dans les premiers temps, ils étaient partout gardés purs de tout mélange. Ils se slavisèrent par la suite, sauf en quelques points. les cultivateurs pouvaient être soumis à trois conditions. Ou bien ils étaient libres, propriétaires non nobles, mais indépendants de leurs terres, ou bien colons, ou bien serfs. Les cultivateurs libres étaient toutefois, comme les propriétaires d'alleux en Occident, leur propriété grévée au profit de l'État, de corvées fixées par la loi ou par les coutumes, et que confirma et garantit une fois encore le code de Stéphane Duchamp. Entre les diverses sortes de propriétés, on distinguait principalement la propriété patrimoniale n'appartenant qu'à la famille, la propriété totale et la propriété d'acquêt, chacune ayant son régime spécial. Le colon, libre de sa personne, libre d'acquérir et de transmettre, avait à supporter des charges, non plus seulement en faveur de l'État, comme le paysan libre, mais en faveur de son seigneur. Quant au cerf, ce n'était qu'un animal humain, attaché à la glèbe, appartenant au maître à sa merci. Le maître, sa femme et son fils, par des procédés dont le détail est inconnu, pouvaient libérer le cerf. Celui-ci ne pouvait être donné en taux. En principe, ces conditions étaient héréditaires. Les classes ne formaient cependant point des castes fermées. On pouvait s'élever d'une classe inférieure à une supérieure. C'était au pouvoir suprême, au roi et à l'Église qu'il appartenait de faire entrer un homme dans les rangs de la noblesse ou du clergé. Mais la simple volonté du maître suffisait pour libérer un cerf. D'autre part, les artisans, qui dans les villages jouissaient d'atténuation de corvée, tout en ayant la condition de colon, ne pouvaient pas faire de tous leurs fils des artisans. Le nombre de ceux-ci étant, semble-t-il, limité, un seul des fils pouvait remplacer le père. La prêtrise même était héréditaire, coutume qui subsiste encore aujourd'hui dans les familles des prêtres serbes. L'ancien système des beneficia militaria, donnés à titre de récompense, ne s'était pas dans l'Empire byzantin seulement conservé. On l'avait encore étendu sous le nom de pronoia à la récompense de tous les services. Néanmoins, le système féodal ne pouvait pas se développer dans la péninsule balkanique comme dans l'Europe occidentale. À Byzance, en effet, la tradition romaine de la centralisation des pouvoirs s'était conservée. Tout dépendait de l'empereur, personnifiant l'autorité, loi vivante et suprême. Dans l'Empire, au lieu de seigneurs féodaux, il y avait de grands fonctionnaires, émanation, pour aussi dire, du pouvoir central, et c'était à eux qu'étaient attribués les pronoia. En Serbie, au XIIIe siècle, la vie étant très simple, on ne trouvait guère, paraît-il, que des alleux. C'est simplement au XIVe siècle, avec les conquêtes plus étendues aux dépenses de l'Empire byzantin, qu'apparaissent les pronoia et qu'on les trouve mentionnés dans les documents et les lois serbes. Le mot pronoia est reproduit tel quel. De ces pronoia, le code de Duchamp interdit l'aliénation et même le don aux églises. C'est que, comme toutes les autres institutions yougoslaves, l'organisation de l'État et de la propriété foncière en Serbie et en Bulgarie était calquée sur le modèle byzantin. Jusqu'à la seconde moitié du XIVe siècle, on distinguait bien de grands et de petits nobles, seigneurs propriétaires d'alleux, jouissant de droits assez étendus. Mais on ne connaissait pas de hiérarchie de seigneurs, pas de lien de vassalité entre eux, pas d'autre source d'autorité que le roi, auquel seul appartenaient les droits souverains. Après la mort de Duchamp, grâce à la faiblesse de son fils et à la vaste étendue de l'Empire, les grands gouverneurs cherchent pour la première fois à créer une hiérarchie féodale, à subordonner les seigneurs les uns aux autres, s'emparer des droits souverains dans leur pronoia. Il y a là quelque chose d'analogue à ce qui se passe en Occident au temps de la dislocation de l'Empire carolingien. Le même phénomène se produit également en Bulgarie après la mort d'Alexandre, 1365, contemporain de Dushan. La Bulgarie, les Turcs à ses portes, se partagent en trois morceaux. Le développement du système féodal, déjà retardé chez les Slaves balkaniques, fut ensuite arrêté par l'invasion ottomane. En somme, malgré l'invasion des croisés latins, les institutions romaines du colonat et des bénéfices se développèrent et évoluèrent lentement, tardivement. Mais dans la péninsule balkanique, il semble cependant que leur évolution tendait vers quelque chose de très analogue au système féodal. État politique. De même que l'organisation de la propriété foncière, l'organisation politique des États serbes et bulgares au XIIIe et XIVe siècle était calquée sur l'organisation byzantine, Byzance étant le seul modèle que l'on eut sous les yeux, les traductions du droit byzantin constituant le seul droit écrit. Cette influence exclusive peut s'expliquer par l'identité de religion, cette religion mettant les Slaves en garde contre les influences occidentales. Pouvoir royal. Le roi était seul seigneur et maître, autocrate par la grâce de Dieu, disent les formules. La terre et les hommes lui appartenaient. De lui émanait tout pouvoir et toute autorité dans l'État. Tout ce qui s'y faisait au nom du roi. Il était la source de la loi. Les lois se faisaient en son nom. Mais bien que théoriquement tout fût concentré dans le roi, qu'il fut maître absolu d'autorité illimitée, les biographies des souverains, les lois, les documents législatifs, les chrysoboles instituant des monastères, montrent que les évêques, les abbés, les nobles partageaient dans une certaine mesure l'exercice du pouvoir avec le roi. La guerre même se faisait rarement sans une entente préalable avec les grands. Administration. L'autorité royale ainsi tempérée gouvernait le pays au moyen de fonctionnaires de cour et de fonctionnaires régionaux. Auprès du roi, on trouvait toujours un chancelier, logothète, un vestiaire faisant fonction de ministre des Finances, un stratège, voïvode, des gentilshommes de confiance destinés à remplir des missions diverses selon les besoins, une garde noble, plus tard, une garde mercenaire et composée d'étrangers entourait le roi. La noblesse considérait comme un grand honneur de le servir. Un tribunal royal, où devait siéger quelqu'un du clergé, jugeait en dernière instance principalement des crimes graves. Les justiciables cherchaient la juridiction de ce tribunal. Dans le code de Dushan, on dut prendre des mesures pour fixer la juridiction exacte dont chacun devait relever et contraindre les justiciables à s'y soumettre. Le pays se divisait en comtés. L'administration et la police étaient confiées à un comte dans chaque comté, à un capitaine dans chaque ville et dans chaque forteresse. Il y avait partout des juges qui devaient faire des tournées pour que les pauvres puissent obtenir justice aussi bien que les riches. Pour l'exécution des jugements en matière civile et en matière financière, les juges étaient assistés de pristaves. Certaines affaires étaient soumises au jury, d'autres à des tribunaux d'experts. Par exemple, les questions de bornage, les procès commerciaux entre Serbes et étrangers. Finances. Les ressources financières provenaient de la dîme, payée même par les nobles, de l'impôt personnel, de la taille, du produit des douanes perçues aux frontières et dans les villes, enfin des revenus des domaines du roi et de l'État qui, à ce qu'il paraît, n'étaient pas distincts. Les immenses domaines du roi étaient cultivés par corvée des colons royaux et des hommes libres. Le roi possédait en outre de grands troupeaux. Leur déplacement, aussi bien que le transport de toute partie de la fortune mobilière du prince, était à la charge des sujets. Sur les marchés, personne ne pouvait vendre ses produits avant que s'étaient écoulés les produits du domaine royal. Le service des finances et du domaine exigeait un nombre personnel qu'il fallait rétribuer, si bien que le régime financier pesait lourdement sur les contribuables. À ces charges s'ajoutaient encore des droits analogues aux droits de gîte et de pouvoirie de l'Occident. Droits de gîte pour les fonctionnaires et les nobles, droits de pouvoirie pour le roi dans ses voyages. Le code de Duchamp confirma le privilège royal du droit de pourvoirie, mais il abolit le droit de gîte dans les villes et limita les cas où l'on pourrait l'exercer dans les villages. Enfin, il existait des obligations analogues aux aides féodales. En cas de mariage du prince royal, le baptême dans la famille souveraine, quand le roi entreprenait des constructions, le royaume tout entier devait contribuer. Armée. Le roi était le commandant en chef des armées. Absent, il était remplacé par les stratèges ou voyevodes. L'armée se composait des contingents levés par les nobles parmi leurs colons. Ils devaient amener le nombre d'hommes fixés par le roi. On peut parfaitement distinguer des cas de mobilisation partielle et des cas de mobilisation générale, tous les gens en état de porter les armes étant alors appelés. Les comtés, upas, formaient en même temps qu'une division administrative, une division militaire, chaque comté ayant sa forteresse dont l'entretien était à sa charge. Au début, le commandement des troupes du comté appartenait au comte, upas. Plus tard, les comtes furent remplacés par les knyazes, princes dans le sens étymologique de principe, et par les voyevodes, que l'on trouve assez nombreux au XVe siècle. Au XIIIe et au XIVe siècle, plusieurs comtés formaient, au point de vue militaire, un duché auquel présidait un voyevode. Le commandant en chef portait le titre de grand voyevode. Les approvisionnements de l'armée en campagne étaient à la charge du peuple. Pour le soulager, le code de Duchamp disposa que deux corps de troupes ne pourraient successivement passer la nuit dans un même village. Au comté des frontières, Kreischte, Marche, incombaient des responsabilités spéciales. Les margraves, d'après le code de Duchamp, devaient garder la frontière contre les troupes étrangères, les incursions de brigands ou aventuriers. Les indemnités étaient dues par eux pour tout dégât provenant de coups de main qu'ils n'avaient pas su prévenir. En outre de l'armée nationale recrutée régionalement, il y avait encore au XIVe siècle des soldats possesseurs de pronoia que le produit de ces terres servait à entretenir. On n'a de renseignements ni sur leur nombre, ni sur l'étendue des terres qui leur étaient attribuées. À l'exemple des souverains byzantins, les rois employaient également des troupes mercenaires recrutées soit parmi les Orientaux comme des Turcs, soit parmi les Occidentaux comme les Allemands, Français, Italiens. Les Occidentaux constituaient généralement les corps de grosse cavalerie, les cuirassiers. Le nombre de mercenaires s'accrut en même temps que croissait l'étendue et les richesses du royaume serbe sous les rois Milutin et Duchamp. Influence religieuse de Rome et de Constantinople sur les Slaves. Avant même leur rupture définitive, 1054, Rome et Constantinople luttaient pour assurer leur influence exclusive sur les Slaves nouvellement convertis. Cette rivalité devait profiter à l'indépendance religieuse de ceux-ci. Constantinople tolérait en Moravie et en Pannonie, 863, la création d'un alphabet et d'une langue liturgique slave, dans le dessein d'assurer ses frontières septentrionales contre Rome. Pour conserver son influence sur ces mêmes provinces, Rome bénissait, en 869, l'alphabet slave créé par les apôtres Cyrille et Méthode. De même, en 866, Rome avait accédé aux demandes du prince bulgare Boris, qui cherchait à se rendre indépendant de Constantinople. mais Constantinople se renchérissait par la concession d'une hiérarchie autocéphale en Bulgarie. Les évêques allemands, installés en Moravie et en Pannonie, finirent par chasser les lettrés slaves. Poursuivis partout où dominait Rome, ceux-ci, à partir de 886, se réfugièrent en Bulgarie, le seul pays alors capable de les protéger. Ils y formèrent, au commencement du Xe siècle, un véritable séminaire de lettres. La Bulgarie, qui avait paru hésiter jusqu'alors entre Rome et Constantinople, simplement pour obtenir de cette dernière la reconnaissance de son autonomie religieuse, ayant enfin accepté un archevêque des mains du patriarche grec, les Bulgares subirent l'influence exclusive de Byzance et de la civilisation hellénique. Au Xe siècle, l'alphabet slave, Glagolitsa, introduit d'abord en Moravie et en Pannonie, subit en Bulgarie une transformation radicale dans le sens grec. Il devint un alphabet grec, Cyrillitsa, adapté à la langue slave. Mais une partie des Croates soumis à Rome avait conservé le premier alphabet, si bien que le nouvel alphabet slave byzantin créa de nouveaux obstacles à l'union, de nouveaux prétextes à controverses et à discorde. La civilisation byzantine imprégna de plus en plus la civilisation slave en Serbie, Bulgarie, Russie, celle-ci en partie par l'intermédiaire de la Bulgarie. Au point de vue religieux, la Bulgarie et la Serbie ne firent que répéter ce qui se faisait à Byzance. La littérature, à peu d'exceptions près, n'offre que des traductions d'œuvres byzantines. Il est très intéressant de constater à quel point ces pays, pour toute leur civilisation, dépendaient de Constantinople, alors même qu'en politique, ils s'en émancipaient si complètement. En fait, au point de vue moral, les États de la péninsule balkanique ne forment qu'un seul et même empire. C'était toujours l'Empire romain d'Orient, maintenu par la religion et par la civilisation émanée de la religion. Le grec en Orient, comme le latin en Occident, était la langue commune à tous les lettrés. Toutefois, l'influence latine se faisait sentir dans une certaine mesure au point de vue artistique dans la partie occidentale de la péninsule, en Albanie, en Bosnie, dans la Serbie de l'Ouest. Cela tenait à ce que certains centres sur l'Adriatique, Zara, Spalato, Raguse, Cataro, Dulcigno, Durazzo, Parga, commençaient sans cesse avec l'Italie, qu'ils avaient conservé leur ancienne organisation municipale, que beaucoup étaient restés fidèles à l'Église romaine. D'autre part, la domination latine se prolongeait en Morée et Hellade centrale. Les Anjous de Naples exerçaient une certaine influence en Albanie. Mais à mesure que l'on s'éloigne du littoral, les traces de l'influence latine s'effacent et l'influence exclusive de Byzance reparaît. Dans le monde moral, l'antagonisme persistait partout. Il devenait même plus violent dans les régions où la civilisation latine et la civilisation grecque se trouvaient directement en présence. Rien de plus funeste pour le développement ultérieur des peuples de la péninsule. C'est cet antagonisme moral qui explique comment, malgré leur parenté ethnologique, les peuples ne s'y sont pas groupés en un seul ou tout au moins en deux corps de nations. Les siècles ont passé sans rien résoudre, sans rien améliorer. On a lutté, on lutte sans relâche. Art et lettres. Les monuments artistiques de cette période sont assez rares et c'est dans les monastères qu'il faut aller chercher les vestiges du passé. Ce fait s'explique aisément. À part les églises, les monastères et les forteresses, toutes les constructions étaient généralement en bois. Dans la seconde moitié du XIIIe siècle, le style architectural s'est, pour ainsi dire, élargi. Sur certains points se font sentir des influences autres que celles de Byzance. Par exemple, aux ruines du couvent de Grada, construit par la reine Hélène, française d'origine, on retrouve des motifs d'ornementation et les détails de construction empruntés à l'art gothique. Son fils, Milutin, fut le roi bâtisseur de la dynastie. Au mont Athos, il réédifia sur un plan plus large le couvent serbe. À Constantinople, à Thessalonique, à Serres, à Ouskup, Skopje, et jusqu'à Jérusalem, se trouvaient des monuments édifiés par lui. Son œuvre la plus importante fut l'édification près de Mitrovica et de Kosovo de la magnifique église de Bagneska, aujourd'hui en ruine. Le monastère de Dečani, encore debout entre Ipek et Prizren, fut construit par Étienne, fils de Milutin. À Prizren même, Dušan, en commémoration de la proclamation de l'Empire, dédiait un couvent aux saints archanges. Enfin, le héros de Kosovo, Lazar, construisait Ravanica, Kruševac, etc. Il va sans dire que ces couvents, de même que les demeures seigneuriales, étaient ornés de tableaux et de tentures, enrichis d'œuvres d'art, qu'ils renfermaient de précieux bijoux. Mais à part quelques rares collections dans les monastères, l'invasion n'a rien laissé subsister de ces travaux artistiques du Moyen-Âge balkanique. De littérature écrite originale, on peut dire qu'il n'en existe point dans cette période, si l'on accepte quelques écrits historiques. La littérature subit l'influence exclusive de Byzance. En outre, dans la péninsule balkanique, comme dans l'Europe occidentale à cette même époque, la langue littéraire n'est nulle part la langue populaire. Le dialecte slave, qui servant à traduire les écritures, avait été en 865 en Moravie élevé au rang de langue religieuse et littéraire, fut employé exclusivement pendant tout le Moyen-Âge par les lettrés, en Serbie, en Bulgarie, en Russie, et même dans certains cantons catholiques croates et jusque dans l'archipel dalmate. Il faut arriver au XVIIIe siècle pour trouver un mouvement en faveur de l'emploi en littérature des langues nationales. Outre d'innombrables traductions d'ouvrages religieux commencés dès le Ve siècle et qui parfois subsistent seuls, les originaux ayant disparu, on emprunta aux Byzantins des romans et des contes. L'histoire fabuleuse d'Alexandre, du pseudo-Callisthène, les contes sur la guerre de Troie, ceux des mille et une nuits, etc., passèrent ainsi dans le domaine populaire. De même furent traduits les historiens byzantins comme Jean Malala, Georges Lemoine, Zonaras, etc., etc. Ces ouvrages ainsi traduits servent de modèle aux écrivains qui, vers la fin du XIVe siècle, commencèrent à rédiger les annales serbes. Ces annalistes, très secs, ne remontèrent même pas au-delà du XIIe siècle. L'histoire n'a pas grand profit à tirer non plus des éloges biographiques rédigés en assez grand nombre depuis Saint Sava et le roi Stéphane, qui créèrent le genre en composant un éloge de leur père. Au XIVe siècle, l'archevêque Daniel essaya de faire une collection de ses panégyriques, mais son œuvre fut peu continuée après sa mort. De toutes ses biographies, la plus riche en renseignements est en même temps la dernière en date. C'est la biographie du despote Stéphane, fils de Lazare, 1389 à 1429. Écrite en 1431 par un Bulgare, Constantin le philosophe. C'est un fait caractéristique que la littérature yougoslave au Moyen Âge n'offre rien de vivant, qu'on n'y trouve presque pas d'œuvres poétiques, que tout soit prose et que tout, forme et fond, y soit artificiel et morne. Fin de la section 78, Lupa Sandra, Montréal.